J'ai la tête à l'envers, je ne sais plus où je suis. Et c'est dans un autre univers que je me laisse transporter. Le monde qui m'entoure est à peine perceptible. Mon corps est déjà moins lourd et bientôt devient tangible. Mon pote tient pas l'alcool, tu chantes en la bémol. Je lutte pour pas partir, je veux paraître sobre. Mais déjà quand je respire, mon haleine est beaucoup moins noble. Ça monte, ça monte, ça monte encore. Je me bats, je fais des efforts. Je sais que si je ferme les yeux, ça n'ira pas beaucoup mieux. Mon pote tient pas l'alcool, tu chantes en la bémol. Je réponds par oui, par non. De toute façon, je m'en fous. Le principal, c'est de rester debout. Mon pote tient pas l'alcool, tu chantes en la bémol. Come on, come on, come on, come on.